Feel the magic in the air. Aïe, aïe, aïe, levez les mains en l'air. Bateau bossé. Sur Radio Bossé, on va bien se marrer. Un jour, une actu par Anton. Le Covid-19. À cause du coronavirus, qui s'appelle le Covid-19, tous les cours sont annulés, comme 12 millions d'élèves français. Tu dois rester chez toi. Pour aller acheter de quoi manger, faire un tour de vélo, sortir le chien, certaines sorties sont encore autorisées. Mais elles doivent être très courtes et près de chez toi. En Italie, un concert pour se changer les idées. Comme toi en France, beaucoup d'Européens sont actuellement confinés chez eux afin de lutter contre l'épidémie du Covid-19. Ils ne peuvent plus sortir sauf pour travailler, faire des courses et être soignés. Résultat, les vides sont vidées et silencieuses. Mais les Italiens ont une idée pour s'amuser un peu. Sur les réseaux sociaux, ils ont organisé un drôle de concert. Le 13 mars à 18h, ils étaient au rendez-vous. Ils ont chanté et joué de la musique tout en restant à leur fenêtre ou sur leur balcon. Ainsi, pas de risque de contamination. Certains ont fait des blagues, comme cette dame sur la photo. Oui. Depuis ce jour, les Italiens ont pris l'habitude de se donner rendez-vous tous les soirs sur leur balcon. Nous, pour nous changer les idées, nous, on fait Radio Bossé. Na, na, na, na. Le petit moment c'est... relaxation avec Soléane. Inspirez de l'air, la relâchez, re-inspirez de l'air, la relâchez. Fermez les yeux, allongez-vous, imaginez un paysage merveilleux. Ouvrez les yeux, vous vous imaginez dans un paysage merveilleux. La petite histoire de Célian. Et par contre, pourquoi il est pas content, le monsieur? Pas content, le poisson. Ah, le poisson n'est pas content. Hein? Faut pas s'inquiéter, il y a Radio Bossé. Le moment blague du jour. Bon, bonjour. Nous allons faire peut-être deux blagues. Oui, deux blagues. Bon, la première. Un pot et une fourmi font la course. Qui gagne? Le pot, car il est toujours en tête. Une autre blague. J'ai rendez-vous avec le président du club des timides. Entrez, vous le trouverez sous le bureau. La prochaine fois pour de nouvelles blagues, au revoir. Et maintenant le hit parade. Les trois cafés gourmands, souvenirs. Les mains en l'air. Sur ma route, bim bam toi. Chers amis, bonjour. Votre jeu de la demi-journée maintenant, le jeu des 1000 euros. Bonjour, la devinette. Quelles sont les trois lettres qui empêchent de voler? Inscrivez-vous au 08 5 25 6. Dans quelques minutes, on va vous écouter. Et maintenant, Madame Belle-Père de Loche, elle va nous dire, parce qu'on pense qu'elle a trouvé. Elle pense qu'elle a trouvé. Bonjour, je suis trop contente de passer dans votre émission. Je vous adore, monsieur, vous êtes super. Alors, ma réponse, je crois que c'est le S, le O et le U, comme sous. Non. Bon, bah, c'est pas grave, je rappellerai. Oui, bah, je vous souhaite bonne chance. Merci. Après celui. Et maintenant, Monsieur Grand Pop des Chevaliers de Zodiac. Bonjour, monsieur. Vous pensez que c'est quoi la réponse? Bonjour, je suis vraiment très heureux de participer à cette émission. C'est vraiment super depuis le temps que je rêvais de participer au jeu des 1000 euros. Alors moi j'ai une idée, est-ce que ça serait pas E-C-M ? Non, non ce n'est pas ça. Vous pourrez peut-être retenter vos deux chances. Merci. Mais par contre, il va falloir... Mais maintenant, mademoiselle Lily Rose de Noyon-la-Gravoyère. Bonjour, madame Lily Rose. Bonjour, monsieur. Je suis vraiment contente de participer à cette émission. Je pense que c'est LKC. Oui, bravo. Et pourquoi? Comment avez-vous su que c'était le L, le K et le C? Parce que il y a le L, K, C. Le L des oiseaux, l'aile des oiseaux, K et C, KC. Oui, c'est ça. Wouh! Bravo madame, vous gagnez 1000 euros aujourd'hui. Peut-être que vous pourrez retenter votre chance. Et en plus, des 1000 euros, on vous donne une carte pour passer gratuitement votre appel téléphonique. Merci. À bientôt, tout le monde. Tout le monde. Peut-être à demain pour une prochaine devinette. Avant d'aller travailler, écoute Radio Bossé. L'instant littéraire. Le grand bateau de Grand Ours par Soléane. Devenu trop grand pour son petit bateau, Grand Ours l'a donné à Petit Ours. Maintenant, ils ont construit un grand bateau pour lui. Je voudrais qu'il soit exactement comme mon petit bateau, mais en plus grand, explique Grand Ours à sa maman. Sa maman sourit. Tu aimais ton petit bateau et maintenant, Petit Ours l'aime aussi. N'est-ce pas? Eh bien, toi, tu aimerais ton nouveau bateau autant que tu aimais l'ancien, j'espère, répond Grand Ours. Il travaille dur et bientôt son grand bateau est terminé. Tu es exactement comme je t'imaginais en rêve, dit-il tendrement. Oh. Grand Ours s'apprête à faire glisser son nouveau bateau sur le lac quand arrive le castor. C'est vraiment un très beau bateau, constate-t-il. Mais un grand bateau comme ça a besoin d'un mât. Tu as peut-être raison, dit Grand Ours. Il fixe un mât à son bateau et il attache une voile. Une loutre sort la tête de l'eau. Et beau grand bateau comme ça doit avoir un pont supérieur, dit-elle. Tous les grands bateaux ont un pont supérieur. Tu pourrais y asseoir pour observer le coucher du soleil sur le lac et voir la lune apparaître. Tu as peut-être raison, dit Grand Ours. Et il construit un pont supérieur qu'il cloue sur un grand bateau. Un héron bleu traverse le ciel. Quel beau grand bateau, s'exclame-t-il. Mais tu as besoin d'une cabine pour dormir dedans. Tous les grands bateaux ont une cabine. Tu as peut-être raison, dit Grand Ours. Et il fabrique une cabine qu'il installe sur un grand bateau. Puis il recule du quelques pas et regarde. Oh, quel horrible grand bateau! Le mât penche, le pont gondole et la cabine est toute de gingois. Grand Ours est très bien ce qu'il ne veut pas, mais il ne veut pas vexer ses amis. Il réfléchit. Vous avez tout voulu m'aider, dit-il, et je vous ai remercié, mais je suis toujours le même ours, sauf que je suis plus grand. Ce bateau n'est pas celui dont je rêvais. Et un ours ne doit jamais renoncer à ses rêves. Tu as peut-être raison, dit le castor. La loutre hoche la tête. Je suis d'accord. Le héron bleu tente son long cou, sans aucun doute. Grand ours retire le mât qui penchait et le pont supérieur qui gondolait. Il enlève la cabine toute de guingois et sourit à son grand bateau. Ensuite, il le laisse glisser sur l'eau et il fait le tour du lac. À bord de son grand bateau, grand ours pêche des poissons. Quand le soleil brille, il se couche, ferme les yeux et écoute les secrets que lui chuchote l'eau du lac. Quand la nuit tombe, il observe le soleil qui se couche sur le lac et la lune qui apparaît. Parfois, une étoile filante traverse le ciel. Un jour, grand ours croise petit ours dans son petit bateau. Petit ours lui fait un signe et grand ours lui répond. Quelle chance nous avons d'être, nous, se dit grand ours. Deux ours bruns dans deux bateaux, deux beaux bateaux qui voguent sur un lac tout bleu. Il est très heureux. Fin. Et maintenant, les Pokémon de Athènes. Merci, Madame Soléane. Alors, bonjour. Aujourd'hui, il y a un nouveau classeur Pokémon qui vient de sortir, un classeur Pokémon jaune avec un Pikachu au devant gravé dessus. Ultra Pro Pro Binder. Et aujourd'hui, on vient de s'apercevoir qu'il y a quelqu'un qui a plus de 300 cartes. Même plus de 600 en fait. Plus de 600 cartes. Et justement, c'est moi. C'est moi. En fait, j'ai le plus grand paquet. Et j'ai les plus grandes cartes Pokémon du monde. En fait, j'adore les Pokémon. Du coup, moi, je suis celui qui a le plus de cartes Pokémon au monde. Au revoir, monsieur et madame, pour les prochains Pokémon. Ah oui, j'oubliais. Et puis, Lugia, aussi, elle n'est pas très mise en vente. Et la famille de Kemors non plus. Voilà, c'était ça. Et Pokémon, au revoir, monsieur et madame. À bientôt. Faut pas s'inquiéter, il y a Radio Bossé. Coucou les artistes, voici la minute art. Aujourd'hui, je vous propose de faire à la façon de Akrimboldo. Pour ceux qui ne connaissent pas, il faisait des visages avec des fruits, des légumes, des branches, des feuilles, des fleurs. Et on prend tout ce qu'on veut, de la nature. Après, on dessine un visage pour ceux qui n'ont pas la feuille. On dessine un visage, on fait l'œil, la bouche, le nez, les cheveux. Et sauf si vous voulez qu'il ressemble à Papy Jean. Mais sinon, vous pouvez aussi faire des taches de rousseur. Tout ce que vous voulez dessus votre bonhomme. Vous pouvez nous envoyer vos créations sur le 06 84 15 35 23. Je vous souhaite une bonne chance. À bientôt. Bonne journée à tous. Et à bientôt sur Radio Bossé, bien sûr. Vas-y. À bientôt. Au revoir. Au revoir.